Le Diseur de mésaventures par Melville Davison Post. La pièce était vaste et pleine de soleil. Ses baies donnaient sur les perspectives d'un jardin qu'encadraient des hêtres altiers et l'arc de la rivière. Il s'agissait, si l'on peut dire, d'une bibliothèque. Dans le mur, jusqu'à hauteur d'homme, étaient encastrés des rayons à livres que séparaient, étagés du sol à leur fête, des tiroirs d'acajou à boutons de verre. Il y avait aussi un bureau de ligne très simple. L'antre d'un voyageur, d'un homme de lettres, d'un constructeur de rêves, sans aucun doute. Sur le bureau, un encrier en jade travaillé, un coupe-papier d'ivoire incrusté de papier en or, et trois cigognes de bronze, dos à dos, qui soutenaient une exquise boule en cristal du Japon. La pièce était sans dessus-dessous, on avait tiré les tiroirs et épié leur contenu. Appuyé au rebord de la fenêtre, mon père contemplait le paysage. L'homme de loi, Mr. Lewis, assis près du bureau, promenait son regard sur cette mise à sac. « Pendleton, déclara-t-il, je n'aime guère cet anglais, Gosford. » Cette réflexion eut l'heure de tirer mon père des profondes pensées où il s'était absorbé. Il se retourna vers Mr. Lewis. « Gosford, lança-t-il en écho. « Oui, Pendleton, il est l'instigateur de toute l'affaire, reprit l'homme de loi. Je vous le dis. Voici un homme qui arrive ici au moment où Marshall agonise, qui force sa porte et pénètre dans sa chambre, qui enferme la porte à double tour derrière lui. Dites-moi un peu quelle urgence l'insiste à conférer avec un marshal à l'article de la mort. Quelle urgence, d'un caractère si confidentiel, que le fils de marshal s'est vu défendre l'accès des lieux par une porte verrouillée. Il fit une pause, tout en manipulant sa chevalière. « Chaque fois, reprit-il, que vous et moi venions rendre visite aux malades, Gosford était immanquablement présent. » Comme s'il nous surveillait, et quand nous partions, lui-même se rendait dans cette pièce-ci afin, disait-il, de faire sa correspondance. Et mieux encore, Pendleton, Marshall, à peine descendu en terre, Gosford m'écrit pour me demander, suivant quelle procédure légale, doivent être examinés les papiers du défunt, afin de savoir s'il a testé. Et c'est encore Gosford qui dépêcha une estafette, un noir monté, et l'on aurait juré qu'il avait le diable à ses trousses, pour me sommer, au nom de l'État de Virginie, de me présenter ici et d'enquêter sur ce cambriolage. L'individu Pendleton ne m'inspire pas confiance. Il vivait dans l'ombre de Marshall, à tisser je ne sais quelle toile secrète, et maintenant le voilà qui prend en main les affaires du mort et en évince le fils, de quel droit? Et pourquoi cet aventureux anglais se sent-il si sûr de lui? Mon père ne répliqua un mot à la diatribe de Lewis. La remarque qu'il fit était de notre ordre. Voilà le jeune Marshall et Gaiki, annonça-t-il. L'homme de loi se leva et s'approcha de la fenêtre. Venus des écuries, arrivaient deux personnes, un mince et un grand adolescent, et un vieillard étrange. Le vieillard, qui marchait d'un pas vif et sautillant, était le docteur Gaiki, notre médecin de campagne. Contrairement à tous les autres hommes de l'art, il soignait un cheval avec la même attention et le même scrupule qu'un malade humain, en émettant ses jurons insolites, tout à son œuvre salvatrice, comme s'il disputait sa proie à quelque invisible créature du mal. Les Noirs racontaient que le diable avait peur de Gaiki, et c'eût été vrai, supposer que le diable cherchât à mettre à mal un homme ou son cheval. Mais à mon avis, les Noirs prêtaient plutôt au diable leur propre crainte. « Voyons, interrogea Lewis, qu'est-ce qui peut bien amener Gaiki ici ? Il vient à cause du cheval de l'estafette qui, pour reprendre au plus tôt, a forcé sa bête, lui répondit mon père. J'ai vu Gaiki s'arrêter sur la route où le boy noir filait à bride abattue, puis appeler le jeune marshal. Le jeune marshal n'y est pour rien, rétorqua l'homme de loi, et d'ailleurs, il n'est pas de taille à imposer ses volontés à un Gosford. Ce garçon est un dilettante, il peint de petits tableaux dans le style qu'il a appris à Paris et manque de dynamisme, d'énergie. Le père était un rêveur, un errant, un homme qui aimait le monde et ses vanités. Le fils a hérité ce caractère que la mère encore accusait. « Il faudra un tuteur. »« Il en a un, » remarqua mon père. « Il en a un, » répéta Lewis. « Et quel tribunal l'a désigné ?»« Un tribunal, » reprit mon père, « qui ne relève pas de l'autorité de l'État de Virginie. » La jeunesse abandonnée et sans expérience, Lewis, est défendue contre la rapacité des spoliateurs. Celui dont on parlait était très jeune. Moins de 20 ans, probablement. Il avait les yeux bleus, des cheveux blonds et des traits fins et délicats, où se devinait sa nature paisible et quelque peu maladive. Son visage délicat, ouvert, généreux, était le visage d'un garçon qui prend la vie pour un conte de fées. Mais maintenant, on y lisait le souci et l'anxiété, et une ride barrait son front, comme si l'adolescent venait d'être rudement rappelé à la réalité. C'est alors que la porte à laquelle Lewis et mon père tournaient le dos s'ouvrit violemment. Un homme entra, dont les manières brusquées et sémillantes faisaient penser qu'il s'agissait d'un avocat. Il avait la face longue et rougeaude, un regard pâle et une barbe court taillée qui soulignait les lignes dures de ses lèvres. Il se hâta vers le bureau, il déposa une espèce de serviette en cuir avec encrier, sous main et plume, et tira à lui une chaise, de l'air du monsieur qui va rédiger le procès-verbal d'une séance. Ce faisant, il s'excusa d'être en retard. Il avait, dit-il, d'importantes lettres à faire partir, et pour plus de sûreté, était allé les poster lui-même. « Et maintenant, gentlemen, passons à l'affaire qui nous intéresse, » termina-t-il, sur le ton du chef qui invite ses subordonnés au travail. Mon père se tourna et considéra l'individu. « Mr. Gosford, sans doute ?» lui demanda-t-il de sa voix égale et froide. « Lui-même, » répliqua l'anglais, « Anthony Gosford. » « Eh bien, Mr. Anthony Gosford, » repartit mon père, « veuillez avoir la bonté de fermer la porte que vous avez ouverte. » Lewis sortit sa tabatière, prisa et trompetta dans son mouchoir multicolore afin de masquer son rire. Désarçonné, l'anglais hésita, obéit à l'instance de mon père et ne put retrouver ses airs pharaux. « Ceci dit, Mr. Gosford, » poursuit mon père, « pourrions-nous savoir pourquoi cette pièce a été dérangée à ce point ?»« J'ai cherché le testament de Peyton Marshall, monsieur, » répondit l'homme. « Et comment saviez-vous que Marshall en avait fait un ?»« Je l'ai vu de mes yeux le rédiger, » rétorqua l'anglais, « et ici même, le 18 octobre de l'année 1854. »« C'est-à-dire il y a 2 ans, » remarqua mon père. « Le testament se trouvait-il dans cette pièce lors du décès de Marshall ?»« Oui, il me l'a déclaré sur son lit de mort. »« Et il a disparu ?»« Exactement, » dit l'anglais. « Comment sauriez-vous qu'il a disparu, Mr. Gosford, si vous ne connaissez l'endroit précis où il avait été mis ?»« Je le connaissais, monsieur, » confirma l'autre. « Il se trouvait dans le second tiroir, » en commençant par l'eau, de la ranger à droite de la fenêtre où vous tenez. Mr. Marshall y a placé après réélection et m'a confié sur son lit de mort qu'il y avait laissé. Vous pouvez constater, monsieur, que ce tiroir était pillé. Mon père jeta un regard à la dite rangée de tiroirs en acajou. Le premier et le second étaient ouverts et tous les autres fermés. Mr. Gosford, reprit-il, ce testament présentait quelque intérêt pour vous, puisque vous en connaissiez la place exacte. C'est juste. J'étais couché pour un legs en argent. Une grosse somme ? Une très grosse somme, monsieur. Mr. Anthony Gosford, dit alors mon père, pour quelle raison Peyton Marshall vous a-t-il laissé une très grosse somme d'argent ? Il n'y avait aucun lien de parenté entre vous, il n'était pas non plus votre débiteur. L'anglais s'assit et se croisa les doigts dans une attitude très basochienne. Monsieur, commença-t-il, le motif d'un legs n'est pas à soulever, que je sache, si tant est que le dilègue n'a été fait par le testateur sous conditions restrictives d'un certain emploi, de la libéralité par le bénéficiaire ou autre obligation de cette espèce. Par le testament en question, le défunt m'a laissé une somme d'argent. Il n'est pas de clause légale qui m'impose de faire la preuve des raisons qui ont inspiré le testateur. Indubitablement, Mr. Peyton Marshall avait d'excellents motifs d'agir comme il l'a fait. Mais ces motifs, monsieur, il les a emportés avec lui dans la tombe. Mon père considéra l'homme sans broncher. Il ne parut pas prendre son explication en considération ni condescendre à le suivre sur le terrain juridique. « Existe-t-il quelqu'un d'autre ayant eu connaissance de ce testament ? » interrogea-t-il. « Ce jeune homme efféminé qui est le fils du défunt, » persifla Gosford, « et uniquement lui. » Marshall a rédigé ce testament de sa main, hors la présence de témoins, ainsi qu'il en avait le droit selon les lois de l'État de Virginie. « Mr. Lewis, » ajouta-t-il, « confirmera la légalité de mes assertions. »« Telle est en effet la loi, » reconnut Lewis. « Quiconque peut, s'il le veut, faire un testament holographe, c'est-à-dire manuscrit, et pareil testament reste valide en Virginie, même s'il a été fait sans témoin, encore que tel ne soit pas le cas dans tous les États. » « Et maintenant, monsieur, » poursuivit l'anglais en se tournant vers mon père, il nous faut enquêter sur le vol de ce testament. » Mais mon père ne parut pas avoir entendu ces mots. Il semblait perplexe et préoccupé. « Lewis, s'enquit-il, comment définissez-vous le crime ?»« Est considéré comme crime toute violation grave de la loi. »« Votre définition me paraît inadéquate, » dit alors mon père. « À mon avis, c'est plutôt une violation de la justice, une infraction à la morale que sanctionne la loi. Et Dieu, j'imagine, a des vues plus amples sur ce sujet que Mr. Blackstone et Lord Coke. J'ai eu connaissance d'un fait que la loi qualifiait de crime et qui n'était en réalité qu'une sorte d'horrible accident et d'autre part, je sais des gens faibles qui ont transgressé la loi alors qu'ils cherchaient seulement à assurer la reconnaissance de leurs droits. Leur crime, Lewis, était une simple erreur imputable à un manque de jugement. » Sur ces entrefaites, il parut se rappeler la présence de l'anglais. « Voudriez-vous, je vous prie, M. Gosford, demander au jeune marshal de venir jusqu'ici ?» L'homme était bien près de lui opposer un refus accompagné de quelque impertinence, mais mon père avait les yeux fixés sur lui et ne trouva pas le courage de lui tenir tête. Il se leva, sortit et revint suivi de Gaiki et de l'adolescent. Le vieux docteur de campagne s'assit près de la porte, déposa au pied de sa chaise sa trousse de cuir et garda son manteau boutonné jusqu'au menton. Gosford retourna au bureau et s'y installa, plume à la main. Le fils de Marshall resta debout. Mon père regarda longuement ce dernier. Son visage était grave, mais quand il commença de parler, il s'exprima avec douceur. « Mon garçon, lui expliqua-t-il, j'ai une assez bonne expérience de Satan pour avoir souvent enquêté sur ses œuvres. » Il s'arrêta et d'un geste indiqua le désordre de la pièce. Elle constitue la plupart du temps du travail bien fait. Ses disciples sont extrêmement astucieux et font souvent appel à leur ingéniosité, comme c'est ici le cas, pour mettre en évidence son intention maligne et insérer celle-ci comme un chaînon artificiel dans la filiation naturelle des événements. Il s'arrêta encore. Ses larges épaules, dans l'embrasure de la fenêtre, interceptaient la lumière du jour. Tout événement naturel, reprit-il, demeure en liaison étroite avec d'innombrables événements précédents et subséquents, et possède avec eux de si multiples points de contact que l'esprit humain reste incapable d'y ajouter de son cru sans laisser trace de son artifice. Les plus habiles artisans du mal parviennent tout au plus à opérer une soudure bien faite mais toujours visible. Il se tut et tournait vers le rang de tiroirs en acajou le plus proche de lui. Voyons, mon garçon. Pouvez-vous me dire pourquoi la personne qui a fouillé cette pièce, qui a ouvert ces tiroirs et sorti pêle-mêle leur contenu, n'a pas touché aux deux premiers de la rangée que voici ? Parce qu'ils ne contiennent aucun objet de valeur, monsieur, répondit l'adolescent. Et que contiennent-ils donc ? Rien que des vieilles lettres, monsieur, que j'avais envoyées de Paris à mon père, rien d'autre. Et qui le savait ? Interrogea mon père. Le jeune garçon devint soudain très pâle. Nous y voilà, s'écria mon père. Vous seul le saviez, et quand vous avez entrepris de donner à cette bibliothèque l'aspect d'une pièce cambriolée, vous avez inconsciemment accordé à votre voleur imaginaire la connaissance de faits que vous-même connaissiez. Pourquoi explorer des tiroirs remplis seulement de vieilles lettres ? Ainsi a raisonné votre voleur imaginaire, sachant ce que vous saviez. Alors qu'un véritable voleur, ignorant de la chose, les aurait retournés de crainte d'y laisser l'objet de valeur qu'il serait venu chercher. Il fit une pause, sans quitter des yeux l'adolescent, puis d'une voix basse et douce, « Où est le testament ?» De pâle qu'il était, le visage du jeune marshal vira au cramoisi. Durant un moment, il jeta tout autour de lui des regards terrifiés. Ensuite de quoi, il redressa la tête et les épaules, traversa la pièce jusqu'à un certain rayon, il prit un volume, l'ouvrit pour en extraire une feuille de papier ministre pliée en deux. Il se tourna alors vers mon père et l'assistance. Cet homme, fit-il en indiquant Gosford, n'a pas le droit de prendre toute la fortune de mon père. Celui-ci lui faisait confiance et lui en a profité. Mais moi, je ne lui ai jamais fait confiance. En agissant comme il a agi, mon père visait un but. Bien qu'en désaccord avec lui sur les moyens employés, je n'ai pas fait d'opposition. Au moment qu'il désirait utiliser ses biens dans l'intérêt de notre patrie, et pour les fins qu'il visait, je le souhaitais aussi. Mais, s'écria-t-il, on m'a trompé, et je me refuse à croire que mon père est responsable de cette duperie. Il s'est ouvert à moi sur ses intentions. Je n'étais pas de force à combattre pour notre pays en temps voulu, m'a-t-il dit, et comme il n'avait pas d'autre fils, notre fortune devait servir cet idéal à notre place. Mais mon père était un homme juste. Il avait décidé qu'une part des biens me serait réservée, tandis que le reste irait à Mr. Gosford. Or, ce testament en attribue la totalité à Mr. Gosford et ne me laisse rien. Ce disant, il s'avança vers mon père et lui remit le papier. Le silence qui suivit fut brisé par la voix acide de Miss Gosford. « Voilà matière, ma parole, intenter des poursuites judiciaires. Prenez garde !» Mon père tendit le document à Lewis, qui le déplia, et le lut à haute voix. De par la volonté de Peyton Marshall, sa propriété devait être vendue et le produit de la vente partagé entre Anthony Gosford, à qui serait attribué 50 000 $, et le jeune Marshall pour le reste. « Mais il n'y aura pas de reste !» clama ce dernier. « La propriété de mon père vaut exactement la somme de 50 000 $. Il l'avait évaluée avec soin, en détail, et le total se montait à cette valeur. » « Il n'empêche, intervint Lewis, que le testament est ainsi libellé, en bonne et due forme, de la main de Marshall, authentifié par sa signature et scellé. Voulez-vous l'examiner, gentlemen ? L'écriture ni la signature ne sauraient être contestées. » Mon père prit le papier en main et le lut lentement. Le vieux Gaïki va mettre son nez dessus et l'examina avec minutie, mot après mot, cependant que Miss Gosford s'installait confortablement sur son siège et arborait un air olympien. « C'est exact, » reconnut mon père, tandis que le vieux Gaïki opinait du chef, ridant tout son visage et fronçant ses sourcils broussailleux en manière d'assentiment. Il continua de hocher la tête en sortant une enveloppe usagée de sa poche, griffonna dessus quelques mots et se rassit. Mon père se tourna alors vers le jeune Marshall. « Mon garçon, » lui demanda-t-il, « pourquoi affirmez-vous qu'on vous a trompé ?»« Parce que mon père devait me laisser 20 000 $, monsieur. Telle était son intention. 30 000 $ devaient aller à Mr. Gosford et le reste me revenir. » »« Autrement dit, 30 000 pour Mr. Gosford au lieu de 50 000. » remarqua mon père. « Oui, monsieur. » C'est en ce sens que mon père m'avait dit vouloir rédiger son testament. Mais en fait, celui-ci attribue 50 000 $ à Mr. Gosford et le reste à moi. S'il en avait attribué 30 000, comme l'avait déclaré mon père, 20 000 me seraient revenus sur la vente de la propriété. Mais léguer 50 000 $ à Mr. Gosford équivaut à ne me rien laisser. Et c'est pourquoi vous avez tenté d'opérer un petit larcin, ironisa l'anglais. Très pâle, l'adolescent se raidit. J'ignore ce qui a pu se produire, reprit-il, mais je demeure convaincu que mon père ne m'a pas trompé. Jamais durant sa vie, il ne l'a fait. Peut-être ai-je été pour lui un motif de déception, mais mon père était un gentleman. Sa voix s'affermit et gagna en netteté. Et je refuse de croire qu'il a pu me promettre une chose et en faire une autre. On ne pouvait laisser d'être impressionné, ni de penser que l'adolescent disait vrai. Nous en sommes désolés, déclara Lewis, mais ce testament est valide et nous ne pouvons procéder à de plus amples vérifications. Il suffit. Mon père se promenait de long en large, tout à ses pensées. Très à l'aise sur son siège, Gosford transcrivait quelques notes. Le vieux Gaïki était retourné à sa chaise et à sa trousse de pharmacie qu'il avait mise sur ses genoux, trop heureux de se divertir à manipuler les outils de sa profession, semblait-il. Lewis se trouvait dans le plus complet désarroi, car sa mission consistait justement à veiller sur l'inviolabilité du droit. Quant au jeune garçon, il gardait une attitude de défi courtois, ennobli par le sentiment d'être le fils d'un homme d'honneur. Impossible d'interpréter son stratagème comme un acte criminel. Ce n'était qu'un enfant, nonobstant ses 20 ans, mais il était répréhensible au regard de la loi. Lewis en avait conscience et ne doutait pas, non plus, que Gosford, pour l'heure, s'occupait à mettre noir sur blanc les chefs de sa culpabilité. « Gosford, » demanda-t-il, « quel projet avez-vous formé, Marshall et vous ?»« Faites toutes les hypothèses qu'il vous plaira, monsieur, » répliqua l'autre sans cesser d'écrire. « Je ne vous en dirai mot. » « À moi donc d'en parler, » intervint l'adolescent. Mon père estimait que les divers États de la République n'en avaient plus pour longtemps à rester unis. À son avis, il devait y avoir bientôt scission, le Sud s'érigeant en gouvernement indépendant. Mon père espérait que l'événement se produirait sans effusion de sang. Il avait beaucoup voyagé, visité maintes nations et lu leur histoire. Il savait ce que signifiait une guerre civile. Je me rappelle l'avoir entendu dire que les gens ignoraient ce dont ils parlaient quand ils poussaient à la guerre. Il s'interrompit, regarda Gosford. Mon père était convaincu que le Sud obtiendrait son indépendance, mais espérait qu'une guerre ne s'ensuivrait pas. Il pensait que si son gouvernement était immédiatement reconnu par la Grande-Bretagne, le Nord s'inclinerait devant le fait accompli et qu'il n'y aurait point de sang versé. Nanti de ce projet, mon père s'est rendu en Angleterre. Il a rencontré Mr. Gosford, sur le bateau probablement, et M. Gosford a réussi à persuader mon père qu'en disposant d'une certaine somme d'argent, il parviendrait à circonvenir certaines personnalités puissantes du gouvernement britannique et à précipiter ainsi l'éventuelle reconnaissance d'une république sudiste par la Grande-Bretagne. Il a suivi mon père jusqu'ici, ne l'a pas quitté d'une semelle, et finalement a obtenu le testament qu'il voulait. Mon père était prudent. De ce projet, il n'a laissé aucune note écrite. Mr. Gosford non plus. L'existence de leur projet ne peut être prouvée, mais mon père m'en a parlé, et il ne mentait jamais. Mon père s'arrêta près du bureau, haussa ses épaules puissantes. Ainsi donc, Peyton Marshall avait élaboré un plan de cette sorte, et en laissait l'exécution à un Mr. Gosford. L'anglais posa sa plume et s'adressant à mon père. « Je vous serai obligé, monsieur, de vouloir bien étayer de preuves vos conclusions. Ce jeune homme vient de nous raconter une jolie petite histoire dont on peut dire qu'elle ne s'appuie sur aucun fait avéré et constitue un plaidoyer très particulier présenté par le coupable. Ceci posé, monsieur, croyez bien que si la validité du legs en dépendait, je serais à même de fournir une explication satisfaisante. Je veux parler des sommes empruntées par le défunt durant ses voyages et qui sont autant de créances à mon endroit. Mais le testament, monsieur, suffit en soi, ainsi que Mr. Lewis vous le certifiera. » Le jeune Marshall lança à Mr. Lewis un regard chargé d'anxiété. « Est-ce la loi, monsieur ?»« Telle est la loi en Virginie, » admit Lewis. « Un testament rédigé en bonne et due forme par une personne saine d'esprit demeure valide, même sous l'adjonction d'une explication verbale ou écrite sur les intentions de son auteur. » Mon père semblait parvenu à un cul-de-sac. Ses traits étaient tendus, son expression soucieuse. Il se tenait près du bureau, et tout à fait par hasard, il étendit la main et la passa sur la boule de cristal du Japon que soutenaient les coups des trois cigognes en bronze. Geste inconscient, car il était absorbé dans la plus profonde réflexion. Il prit l'objet dans sa paume, et soudain, comme réveillé par son poids, il reporta son attention sur le cristal. Un je ne sais quoi, en ce dernier, dut le frapper, car son attitude se modifia du tout au tout. Il étala le testament sur la table et se mit à déplacer la sphère au-dessus du manuscrit, l'œil contre le verre. Soudain, sa main s'immobilisa et mon père se pencha, observa avec intensité à travers le cristal d'Orient, à la manière de ces professionnels de la magie qui prédisent un avenir prétendu entrevu dans ces globes translucides. Toujours aussi sûr de lui, Mr. Gosford considéra mon père avec un sourire ironique et supérieur. « Monsieur, lui demanda-t-il, seriez-vous d'aventure un diseur de bonne aventure ?»« Un diseur de mésaventure, plutôt, » répliqua mon père sans détacher son regard du cristal. « Je vois ici même une mésaventure pour Mr. Anthony Gosford, et je lui prédis qu'il renoncera, bon gré mal gré, à ce legs en numéraire au profit du fils de Peyton Marshall. » « Votre prédiction, monsieur, coupa Gosford, d'une voix plus dure, ne se réalisera probablement pas. »« Ma foi, reprit mon père, elle se réalisera sûrement. Je le vois, on ne peut mieux. » Mr. Gosford va rédiger un acte de désistement, écrit de sa main et revêtu de son cachet, et quitter poliment l'état de Virginie, tandis que le fils de Peyton Marshall va entrer en possession de toute la propriété. « Monsieur, intervint à nouveau l'anglais, mais cette fois sur le ton de la colère, vous semblez prendre plaisir à ce divertissement niais. L'art de voir le futur dans les boules de cristal ne vous intéresse pas, Mr. Gosford, fit mon père du tac au tac, mais sans élever le ton. Quant à moi, je le trouve fort divertissant. Souffrez que je vous dise la bonne ou plutôt la mauvaise aventure, Mr. Gosford. Le hasard vous a fait rencontrer ce rêveur qu'était Marshall. Vous avez su capter sa confiance et le persuader que vous étiez bien introduit chez des personnalités londoniennes. Vous l'aviez accompagné jusqu'ici et fait son siège. Finalement, le malheureux, diminué physiquement, a eu la faiblesse de rédiger son testament conformément à vos suggestions et en votre présence voilà 2 ans. Quand Marshall est tombé gravement malade, vous êtes accouru à son chevet et avez appris de la bouche du mourant qu'il n'avait ni modifié ses dernières volontés ni changé le testament de place. Pour plus de sûreté, vous avez monté la garde dans cette pièce sous prétexte d'y rédiger votre correspondance. Après quoi, à la mort de Marshall, vous vous êtes enquis auprès de Lewis de la procédure légale à respecter en matière de recherche de testament. Et quand vous avez trouvé la bibliothèque mise sens dessus dessous, vous avez fait appel à la loi. Mon père reprit souffle. Voilà pour le passé, en ce qui vous concerne, Mr. Gosford. Et voici maintenant pour votre avenir. Je vois dans la boule de cristal votre joie d'avoir retrouvé le testament. Je vois votre satisfaction devant la perspective immédiate de toucher la valeur de ce legs. Je vous vois même vous féliciter en votre fort intérieur d'avoir prudemment incité à ne rien laisser transpirer de son projet afin que les autorités n'en sachent rien. Car je vois aussi, Mr. Gosford, que votre intention depuis toujours a été d'utiliser cette somme d'argent pour des fins personnelles et votre bon plaisir. Mais hélas, Mr. Gosford, cela ne sera pas. Je vous vois écrivant ce désistement. Et je vous vois, Mr. Gosford, la voix de mon père s'éleva d'un ton, je vous vois l'écrivant avec l'effroi dans les yeux et la sueur sur le front. « Le diable vous emporte, vous et vos calembres d'aine !» s'écria l'anglais. Mon père lui adressa un sourire ironique. « Puisque vous doutez de mes talents d'extra-lucide, Mr. Gosford, je vais demander à Mr. Lewis et à Herman Geikie de me dire ce qu'ils voient eux-mêmes. » Ces deux derniers traversaient la pièce et se penchèrent sur le document, tandis que mon père tenait la sphère de cristal. L'attitude des deux hommes se modifia soudain, leur attitude parut captivée. « Je vois tout cela aussi, » lança le vieux docteur. « Et moi, » s'exclama Lewis, « je vois un peu plus loin que vous, Pendleton. Je vois la prison, au bout de la mésaventure. » L'anglais se leva, comme mu par un ressort, étouffa un juron et se pencha à son tour sur le bureau. Et lui aussi, il vit. Mon père maintenait de ses mains le cristal au-dessus des chiffres tracés par le testateur et qui figuraient le montant du legs. Grâce au grossissement très fort de cette lentille improvisée, un certain détail ne pouvait plus passer inaperçu. La boucle supérieure du 3 avait été effacée au grattoir et remplacée par la barre d'un 5. On distinguait parfaitement les fibres brisées du papier aux abords de la boucle et la barre du 5 reposait sur la boucle du 3 et sur le 0 suivant comme une volige noire sur deux montants de charpente. Le 3 avait donc été transformé en 5 assez habilement pour tromper l'œil nu, mais insuffisamment lorsque le soumettait au pouvoir grossissant du cristal. L'imposture prenait alors les dimensions et la netteté d'un rafistolage de charpentier. Le visage de Gosford se figea. L'homme se redressa et très raide fit face aux trois hommes dont le bureau le séparait. « Parfaitement, » jeta-t-il d'un ton inexpressif à l'anglaise. « Marshall, je m'en souviens, a écrit un 3 par erreur et a voulu rectifier celui-ci. Il m'a emprunté mon canif pour l'effacer. » Mon père et Louis en restèrent bouche bée, comme des paysans qui voient s'échapper leur bétail par une brèche de l'enclos ignoré d'eux. Il y eut un silence, et soudain, dans l'atmosphère tendue de la bibliothèque, monta le rire du vieux docteur Geikie. Gosford leva son visage mince et rougeau, pointa sa barbe courtaillée qui soulignait la laideur de ses lèvres. « Pourquoi donc riez-vous, mon brave homme ? » demanda-t-il. « Je ris, » répliqua Geikie, « de ce qu'un 5 puisse avoir tant de couleurs. » Cette réflexion plongea Lewis et mon père dans un étonnement au moins aussi profond que celui de Mr. Gosford. « De couleurs ! » s'exclamèrent-ils, car le chiffre falsifié du testament était noir. « Eh oui, bien sûr !» s'entêta le vieillard. Il se pencha sur le bureau, s'empara de la feuille où Gosford avait pris des notes, et la plaça à côté du testament. « Monsieur, » poursuivit-il, « vous êtes un tenant du progrès, à ce que je vois. Vous utilisez en fait d'encre un liquide à base de noix de galle. C'est un produit nouveau que Mr. Stephens vient tout juste, en ces temps de grâce 1856, de lancer dans le commerce. Mais ici, nous en sommes encore à l'encre à base de bois de Campeche, et c'est elle dont s'est servi Marshall en 1854 pour rédiger son testament. » Il se tourna, fouilla dans sa trousse, y prit une petite bouteille. « J'emporte toujours avec moi un peu d'acide pour soigner les indigestions de mes clients, mais il a d'autres usages. » Il fit sauter le bouchon de sa fiole et en aspergea la signature de Marshall ainsi que les lignes écrites par Gosford. « Voyez, s'écria-t-il, votre encre tire au bleu, Mr. Gosford, et celle de Marshall au rouge. » L'homme empiégé poussa un juron et frappa Geikie à la main. La fiole tomba sur la table où elle se brisa. L'acide chlorhydrique se répandit sur le testament. Et de par la réaction chimique qui s'ensuivit, le nombre qui figurait le montant du legs de 50 000 $ se colora magnifiquement. La barre du 5 tourna au bleu, tandis que le bas de ce chiffre et les 4 zéros devenaient pourpre foncé, comme tout le reste du testament. « Geikie, » triompha mon père. « Vous avez pris un coquin au piège. »« Et j'ai perdu une bonne mesure d'acide, » conclut le vieillard. Et sur ce, il se mit en devoir de collecter les fragments de sa bouteille pour les jeter. C'était le diseur de mes aventures par Melville Davison Post.